connais cet endroit. Je ne pense pas. Tu as déjà été là. Je ne pense pas. Souviens-toi, souviens-toi. Je ne pense pas. Te voilà de nouveau là. Souviens-toi, souviens-toi. Je ne pense pas. Souviens-toi, souviens-toi. Je ne pense pas. Souviens-toi, souviens-toi.